Le tour de clé par Edmond Jaloux. Comment, Barbe, tu n'as pas encore mis de fleurs dans le salon? Mais où as-tu la tête, vieille folle? Tu sais cependant que Mademoiselle Migeline est toujours exacte. Il est 3h30, grommela la vieille domestique. Mademoiselle Migeline ne viendra pas avant 5h. Monsieur Henri du Guespin haussa les épaules et sortit pour respirer l'air frais qui venait du printemps de la mer. Elle était là, derrière les tamaris et les pins, qui jouaient avec les rayons. Monsieur du Guespin fit quelques pas et regarda autour de lui. Son jardin, récemment arrosé, tranquille, bien en place, avait pris son air des grands jours. Comme dans une page de belle impression, chaque fleur avait sa justification la plus large. La vieille maison bourgeoise, dorée par le soleil provençal, s'offrait à la convoitise comme un pâté dans sa croûte. Elle semblait solide, cossue, pleine à en crever de richesses familiales, de meubles polis comme des miroirs, d'étoffes et d'argenterie. Ayant fait son inspection, M. du Guespin pensa à lui. Il était bien conservé malgré ses 57 ans. Mince, haut sur pattes, le crâne à peine chauve, avec un grand nez impérieux et une moustache retroussée, comme on en portait dans sa jeunesse, M. du Guespin pouvait encore faire illusion, surtout à soi-même. Mais ferait-il illusion à Mademoiselle Migeline Audry, qui avait, elle, 27 ans et qui avait dans un visage bistré et mince les yeux les plus brillants du monde? M. du Guespin soupira. Il avait tout de même un passé, et Mademoiselle Audry n'en avait pas. Il avait même un passé assez lourd. À 25 ans, il avait été adoré par une femme de 60, Madame de Secondac, personne corpulente, mais de beaucoup d'esprit, qui tenait un salon à Paris, faisait des académiciens et des ministres. M. du Guespin n'avait l'étoffe ni de l'un ni de l'autre. Aussi ne fit-elle de lui qu'un fat. Il avait honte aujourd'hui de la sécheresse, de l'indifférence qu'il avait témoignée à cette pauvre femme, dont il était toute la vie et qui, malgré ses rebuffades, ses insolences et ses caprices, s'était obstiné à l'adorer et à le servir. Il ne s'était pas montré plus tendre avec une autre femme, Madame de Ballarène, qui avait été 10 ans sa maîtresse et qui l'avait humiliée et trompée de 1000 façons, ni avec ses autres conquêtes. Plus tard, vers la quarantaine, il s'était épris d'une petite danseuse, Flora Dizier, mais elle s'était moquée de lui et il n'avait pas insisté longtemps. Oui, tout cela, c'était le passé de M. du Guespin. Il n'y aurait jamais eu autre chose si, fatigué des voyages et de la vie mondaine, il ne s'était avisé de venir passer quelques mois dans sa vieille maison familiale au bord de la Méditerranée. Et là, il avait rencontré Migeline et Jeanne Audry. M. Audry dirigeait quelque part une petite savonnerie qui marchait très mal et lui donnait de grands soucis. Sa fille cadette, Jeanne, était souffrante. Il avait dû louer au bord de la mer une petite villa modeste qui se trouvait être voisine de l'opulente propriété de M. du Guespin. Et c'est ainsi que les deux jeunes filles, qui s'ennuyaient, avaient fait la connaissance du vieux célibataire qu'elles visitaient chaque jour et pour qui ces visites étaient devenues le plus grand attrait de la vie. Et petit à petit, M. du Guespin s'était mis à aimer Migeline du même amour que Madame de Secondac et Madame de Ballarène avaient eu pour lui, de cet amour exigeant, tyrannique, absolu, désespéré, qu'il n'avait jamais ressenti jusque-là et qui lui faisait prendre en pitié, rétrospectivement, ces deux femmes tourmentées et tant d'autres qui, comme elles, n'avaient obtenu de lui qu'une indifférence amoureuse. M. du Guespin baissa la tête. Oui, ce passé était lourd, si lourd qu'il ôtait tout courage. Il allait cependant, tout à l'heure, en prenant le thé avec elle, demander à Mademoiselle Audry s'il consentirait à devenir sa femme. M. du Guespin connaissait les petites Audry, comme il les appelait, depuis 6 mois. Il était rare qu'elles ne vinssent pas lui rendre visite chaque jour avant la chute du jour. Quand Jeanne était souffrante, Migeline arrivait seule. C'était les jours où M. du Guespin était le plus heureux. Lorsqu'il se trouvait en retard, il grognait, il invectivait contre la vieille pendule, il insultait Barbe, sa vieille servante fidèle. Bref, il se conduisait comme un adolescent. « Ces petites, songeait-il avec une fausse bonhomie, je les aime comme mes enfants. » Il mentait, et il ne se l'avoua pas tout de suite. Puis il commença de s'inquiéter de leur situation précaire, de leur avenir misérable de jeune fille sans dot. M. Audry était veuf depuis longtemps. Il ferait peut-être faillite, il pouvait mourir. Que deviendraient-elles alors Migline et Jeanne, l'une malade et l'autre si timide, si délicate, si réservée devant la vie? Ce fut ainsi qu'il commença d'envisager qu'il devait épouser Migline. Ce serait une bonne action. Il avait une belle fortune. Elle serait tranquille, peut-être même heureuse. Longtemps après, il s'avoua qu'il l'aimait. Ces magnifiques raisonnements tenaient M. du Guespin en joie. Il finit toutefois par remarquer que Migline Audry devenait triste, soucieuse, taciturne. Il pensa que cet avenir qui l'épouvantait en lui-même commençait à son tour de l'inquiéter. « Qu'avez-vous ? » lui disait-il. « Oh, rien, ou du moins un peu de chose. » « Je vous raconterai tout, » lui dit-elle un autre jour. Il jugea que le moment était venu de parler. Jeanne eut à souffrir d'un rhume, elle passa quelques jours sans sortir. Migline venait seule. Une pareille occasion de parler se représenterait-elle? D'ailleurs, il ne s'était jamais senti si jeune. Ce printemps qui venait était le plus beau de sa vie. Monsieur du Guespin se promenait sur la terrasse. Il faisait mine de ne pas avoir 57 ans et se tenait raide comme si quelqu'un le regardait. Hélas, personne ne regarde M. du Guespin que soi-même. Il n'est que plus religieusement pénétré du respect qu'il se doit. Le rayonnement du jour faiblit. La fraîche odeur du jardin arrosé s'évapore peu à peu. Les larges feuilles des canards, des palmiers sont devenues sèches. Il commence de s'élever des arbres ce piaillement courroucé des oiseaux qui prélude à la nuit par un redoublement de tapage. Les branches échangent des gifles d'ailes. De la plume vole. Soudain, l'oreille attentive de M. du Guespin distingue le bruit du portail que l'on ferme. Il s'élance dans l'allée au-devant de Mademoiselle Audry. Elle arrive, en effet, sous les grands cèdres. Elle est vêtue de clair, avec une modestie qui émeut son vieil ami. Comme beaucoup d'êtres qui ont traversé la vie mondaine, M. du Guespin, en effet, ne peut pas concevoir qu'il soit possible d'être heureux en dehors d'un certain luxe. Au fond, tout au fond de lui-même d'ailleurs, il compte bien sûr cette tentation-là pour séduire Mademoiselle Audry, car malgré tout, l'écart des âges l'effraie un peu, sans compter 1000 réflexions qu'il se fait sur lui et qui ne laissent pas de le tourmenter. Cependant, la vue du visage aigu et brun de Mademoiselle Audry, de ses yeux exceptionnellement brillants, le rassérène et c'est tout frémissant d'espérance qu'il la salue et qu'il prend de la sienne une main longue, sèche, nerveuse. Mademoiselle Audry a l'air plus grave et plus mélancolique encore que d'habitude. « Qu'avez-vous aujourd'hui, Migline ? Vous semblez préoccupée. Je vais vous le dire. »« Moi aussi, » s'écrie M. du Guespin, « j'ai une confidence à vous faire. » Mais Migline l'écoute à peine. « Eh bien, vous me la ferez tout à l'heure. Écoutez-moi d'abord. » Et elle ajoute naïvement, « Moi, c'est pressé. » Le pauvre M. du Guespin n'ose pas insister et conduit Mademoiselle Audry dans la maison. Ils s'assirent dans le salon qui semblait un bosquet. M. du Guespin regardait les fleurs que Barbe avait disposées de tous côtés. L'aiderait-elle à triompher ou bien au contraire, par malice de belles choses éclatantes et jeunes, insisterait-elle sur le désaccord que le temps avait créé déjà entre Mademoiselle Migline et son vieil amoureux? Mon cher et bon ami, il n'y a que vous qui puissiez me secourir, dit la jeune fille, en levant sur M. du Guespin ses yeux intenses et en lui prenant les mains. Et elle lui raconta son roman. Oh, pas bien dramatique, ce roman. Il y avait dans le pays une fabrique de potasse. Mais vous avez dû connaître celui à qui elle appartenait, M. Réparaz. Non, M. du Guespin ne pouvait vraiment pas se souvenir d'un tel nom. Il a eu un fils qui est entré à l'école polytechnique. Et qui en est sorti premier? Non, un des derniers, au contraire. M. du Guespin poussa un soupir de soulagement. Et il a eu le courage de le reconnaître. C'est une bonne note pour lui, cela. Bien entendu, il est resté longtemps sans situation, et comme son père vieillissait, il est venu prendre ici la direction de cette fabrique. C'est un jeune homme timide, modeste, travailleur. « Bien, bien, » interrompit M. du Guespin, qui avait été entreprenant, fat et n'avait jamais rien fait de sa vie. Bref, elle l'aimait. Il l'aimait aussi, mais il était pauvre et M. Audry ne voulait aucun prix de ce mariage. « Vous ne sentez pas le vent ?» dit M. du Guespin. « Sacré vent, changeons de place, j'ai mon rhumatisme qui se réveille. » Son rhumatisme se réveillait, en effet, et tous les maux de la vieillesse. Il avait suffi de quelques mots pour le chasser de l'espérance, pour le chasser de la vie. Il sentait tout à coup son âge, oui. Il était un vieillard ou presque. Et tout le reste était fumé. Il ne lui restait plus qu'à faire un trou dans un coin, comme un chien qui souffre, et à tâcher de s'y endormir. Sacré vent d'Est. Il se frottait vigoureusement l'épaule. « Mais que puis-je faire pour vous dans tout cela, ma pauvre enfant ? Je voudrais que vous vissiez mon père pour tâcher de le persuader. »« On ira, » grommela M. du Guespin furieux. Il raccompagna cérémonieusement Madeleine Oudry jusqu'au portail. Il ne se tenait plus raide, il se laissait aller. Il ne souffrait pas, il était comme engourdi. Il parlait sans savoir ce qu'il disait. Il écoutait sans comprendre ce qu'on lui répondait. Il avait l'impression confuse que s'il avait aimé dans sa jeunesse et que dans sa jeunesse, pareil déconvenu lui fût arrivé, il eût souffert davantage, ou autrement. Après tout, que savait-il de ce qui se passait en lui ? Il était si rompu de fatigue qu'il souhaitait uniquement de mourir. Pour obéir à la demande de Mademoiselle Oudry, M. du Guespin alla trouver le père de la jeune fille. M. Oudry lui dit les choses les plus raisonnables du monde, mais on ne construit pas un monde avec les choses raisonnables, ni peut-être non plus avec les folles. Tout porte à croire que le hasard est le maître de tout. Le hasard avait voulu que M. du Guespin fût amoureux pour la première fois à 57 ans. Mais le hasard n'avait pas voulu que Migeline lui rendît son amour. Ses enfants n'avaient rien dit, disait M. Oudry. Sa savonnerie allait à la ruine. La fabrique de potasse de M. Réparaz risquait de faire promptement faillite. M. Oudry ne voulait pas consentir au malheur de sa fille, et le malheur de sa fille était une question d'argent. Riche, on est heureux, pauvre, on ne l'est pas. Cela est simple, cela explique tout. Avec une bonne formule, on vit tranquillement comme on dort quand on a bu un narcotique. M. du Guespin répéta ces choses à Migeline qui pleura une heure dans ses bras sans pouvoir se consoler. Après tout, elle l'aime, grogna-t-il lorsqu'elle fut partie. Quelle dinde, quelle oie! Seulement, on ne peut pas la laisser se désoler comme ça. Il se rendit donc chez Jean de Réparaz. C'était un garçon doux, intelligent, bien élevé. M. du Guespin lui posa 1000 questions saugrenues sur les potasses, sur l'électricité, sur la constitution de la matière, enfin, 1000 problèmes auxquels il ne comprenait goutte et qui ne l'intéressaient en rien. Le jeune homme répondait avec une bonne grâce charmante. « Ouais, » dit M. du Guespin, « je ne suis pas venu pour vous parler de ces mystères que, pour ma part, je n'éclaircirai jamais. Migeline Oudry m'a dit que vous désiriez l'épouser. » Jean Réparaz rougit jusqu'aux oreilles. « Elle vous aime. C'est une dinde, c'est une oie. Si elle avait voulu... Enfin, passons, monsieur. Taisez-vous. Laissez-moi parler. Je ne suis pas venu ici pour faire de la conversation. Je suis un vieillard. Monsieur Oudry, qui est aussi bête que sa fille, m'a dit que vous n'aviez ici aucun avenir. Il a établi votre budget devant moi. Vous ne pouvez pas, évidemment, épouser Migeline. Au premier enfant, ce serait la misère. Il est quand même drôle de devenir amoureux quand on n'est pas capable de gagner sa vie. « Monsieur, » s'écria Jean Réparaz en se levant, « rasseyez-vous et ne m'interrompez plus. Vous ne m'empêcherez pas de parler. Croyez-vous que ces histoires m'amusent ? D'autre part, M. Oudry est tout à fait gâteux et va faire faillite. Il n'aura d'ailleurs que ce qu'il mérite. Migeline pleure comme une folle. On ne peut pas la laisser malheureuse comme ça. Alors voici ce que je viens d'imaginer. Je suis seul au monde et je n'ai pas de famille. De plus, j'ai de l'argent. Mon intention formelle est d'adopter Migeline. La loi m'en donne le pouvoir. Je ferai donc une rente à Migeline et quand je serai mort, vous aurez ma fortune. C'est une combinaison comme une autre. Vous épouserez donc Migeline, vous serez très heureux et vous aurez beaucoup d'enfants. Ce que je vous demande expressément, c'est de ne donner mon prénom à aucun d'eux. Il est complètement ridicule. Bonsoir, monsieur. Le lendemain, Migeline, éperdue, courait trouver son vieil ami. Il l'a reçu fort mal. « Asseyez-vous, » dit-il. « Eh bien, vous tombez dans un mauvais moment. J'ai l'intention de faire un petit voyage pour changer d'air, D'ailleurs, j'ai un ami qui est très malade, quelque part. Je veux tout de même savoir comment on meurt. À mon âge, il ne faut négliger aucune occasion de s'instruire. Surtout de s'instruire de cela. Méglin essaya de l'interrompre pour lui exprimer toute la gratitude qui... Ah non ! Surtout ne parlons plus de cela, et surtout pas de reconnaissance. Il n'y a pas de sentiment qui me dégoûte autant. Vous êtes dorénavant ma fille, je vous embêterai, et vous chercherez toutes les occasions de me fuir. Ainsi, nous resterons dans la règle, en attendant, laissez-moi. Il la mit presque à la porte et alla chez son notaire. Il s'entretint longuement avec lui. Les formalités seraient longues comme toutes les formalités. Il avait le temps de faire un petit tour. « Barbe, cria-t-il, fais ma malle. Il y a trop de vent dans ce sacré pays, je pars. »« Mais monsieur n'y pense pas. Monsieur part tout seul. Et si monsieur est malade ? Barbe, cruche-fêlée, souhaite-moi de mourir tranquillement dans quelque coin de Rome ou de Venise, et va qu'à tes affaires. » Quand il fut seul, M. du Guespin sortit d'un tiroir une photographie de Méglin. « Si elle avait voulu, murmura-t-il. Il prit un vieux coffret de laque noire qui lui venait de sa mère. Deux cavaliers d'or y traversaient sur un pont un pays fabuleux, où les nénuphars du fleuve et les arbres de la rive avaient les mêmes feuilles rondes et les mêmes longs filaments. Il l'ouvrit et glissa la photographie de Méglin à côté de quelques autres qu'il ne regarda pas. Il ne voulut pas revoir les traits de Madame de Secondac, Madame de Ballarène ou de Flora Dizier. Il ne voulait rien revoir du tout, ce qui avait eu pour lui un sens d'ailleurs si médiocre. Après quoi il ferma le coffret, lui donna un dernier tour de clé, d'une petite clé d'or qu'il portait toujours sur lui, et sortant malgré le vent d'est qui soufflait toujours plus fort, il alla jeter la clé dans un vieux puits moussu, derrière la maison. Ainsi s'achève le tour de clé par Edmond Jaloux.